heures. Si tu veux savoir comment je vais mieux depuis que t'es plus là. Mais ça, je sais que tu le sais, fausseur. Je vais pas savoir si tu regrettes l'image que tu reflètes. Toi-même, tu la détestes, fausseur. Je sais très bien pourquoi t'as sali mon honneur. Tout simplement parce que tu voulais prendre de la hauteur. Une sournoise égoïste, folle alliée pourrait te descendre. Mais je vais pas tout détailler. Je pensais pas que c'était toi qu'aurais voulu me voir dans le trou. Tu t'es nourri de mes craintes quand j'étais rongée par le tout. Une sorcière, une vraie langue de vipère. J'ai baissé ma garde, je regrette. C'était ton pied, mon pied, ensemble on faisait la paire. Tu m'as sali, je voulais pas le faire, mais je vais te parler français. Oui, t'étais ma meilleure, mais t'étais qu'une fausse sœur. Maintenant t'es juste qu'un souvenir qui n'a plus de valeur. C'était ton pied, mon pied. Ensemble on faisait la paire. Tu m'as sali, je voulais pas le faire. Mais je vais te parler français. Oui, t'étais ma meilleure, mais t'étais qu'une fausseur. Maintenant t'es juste qu'un souvenir qui n'a plus de valeur. Fausseur, arrête de dire aux gens qu'on est toujours proche. Je suis sûr c'est toi le numéro masqué qui coupe avant que je décroche. Fausseur, on connaît toute ta recette. Tu fais ta sauce, tu parles mal des autres pour pas qu'on te rejette. Fausseur, on sait bien qui fait quoi et qui est doux. Cette fois tu pourras pas te racheter avec des mots doux. T'as gagné cette fois, tu m'as perdu. Si demain on se croise, fais ton chemin, on se connaît plus. Je pensais pas que c'était toi qu'aurais voulu me voir dans le trou. Tu t'es nourri de mes craintes quand j'étais rongée par le tout. Une sorcière, une vraie langue de vipère. J'ai baissé ma garde, je regrette. C'était ton pied, mon pied, ensemble on faisait la paire. Tu m'as sali, je voulais pas le faire, mais je vais te parler français. Oui, t'étais ma meilleure, mais t'étais qu'une fausseur. Maintenant t'es juste qu'un souvenir qui n'a plus de valeur. C'était ton pied, mon pied, ensemble on faisait la paire. Tu m'as sali, je voulais pas le faire, mais je vais te parler français. Oui, t'étais ma meilleure, mais t'étais qu'une fausseur. Maintenant t'es juste qu'un souvenir qui n'a plus de valeur. Faut que je passe au-dessus, dessus. Je suis déçue, déçue. Faut que je passe au-dessus, dessus.